Nous partons tôt en balade demain matin. Vous devez préparer vos sacs ce soir. Oui, il faut que nous préparions tout avant de nous coucher. Ah, j'y pense, il faut que nous regardions la météo. Oh, regarde, il va peut-être pleuvoir. Il faut que nous emportions des caouets. À quelle heure faut-il partir à la gare? Pour y être à 7 heures, il faut que nous partions à 6 heures. Il faut donc que tu mettes le réveil à 5 heures.